Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Cette émission, vous pouvez la réécouter ou la podcaster, ainsi que toutes celles que vous auriez manquées, sur le site franceinter.fr, où j'attends vos commentaires, aussi sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, changement d'époque, changement de style, nous partirons en Russie au lendemain de la Révolution d'octobre. Lénine et les bolcheviks ont pris le pouvoir, mais ils n'ont pas mis fin à la guerre et à la misère. Et alors que Lénine cherche à taire toute forme d'opposition politique, la colère gronde chez les socialistes révolutionnaires dont fait partie la jeune Fanny Kaplan, qui en 1918 va tenter d'assassiner Lénine. On a tiré sur Lénine. C'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire, je recevrai l'historien Stéphane Courtois. En attendant, juste après le flash, ne manquez pas l'Afrique en solo de Soro Solo. Excellente soirée sur France Inter.